Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nami salimia nini yote mujina ya Bwana Yesu Kristo. Salut en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia pia banduku na badada wanatufuata kule kumtandao. Toujours très heureux. Tuko kila mara na furaha. Parce que nous venons dans la maison de notre Dieu. Tunakuya mu nyumba ya baba yetu. Ça nous fait toujours du bien. Iko natufanya mzuri. Parce que ici, Dieu hapa, nous avons solution à nos problèmes. Tuko napata jibu ku mambo yetu. Devons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Merci Père Céleste. Asanti Baba wa kumbingu. Pour ce temps que tu nous as donné. Juu ya wakati unatupatia. Nous sommes ici pour recevoir la portion du jour. Tuko hapa juu ya kupokea sehemu zetu za siku. Nous avons soif du véritable Dieu vivant. Tuko na kiu ya Mungu wa kweli. Et nous ne pouvons pas être de véritables chrétiens sans toi. Na tuwezi kuwa ba Kristo ba kweli bila wewe. Descends Seigneur. Ushuke Bwana. Révèle-toi à chacun de nous. Ujifunue kwa kila mmoja wetu. Fais comme tu l'as accompli avec tes apôtres. Oui, fanye vile ulitimiza na bamitume. Après ta résurrection. Kisha ufufuko wako. Tu leur ouvres l'esprit. Ulivafungula roho. Afin qu'ils comprennent les écritures. Ili wapate kuelewa maandiko. Le même hier. Uko sawa sawa jana. Aujourd'hui. Leo. Et pour toujours. Na milele. Descends encore ce soir. Ushuke tena magharibi ya leo. Il accomplit ton œuvre en nous. Na utimize kazi yako ndani yetu. Bénis la parole qui sera lue. Ubariki neno itasomewa. Bénis chaque frère et chaque sœur. Ubariki kila ndugu na kila dada. Bénis les frères et les sœurs qui nous suivent en ligne. Ubariki ndugu na wadada wanatufuata mtandao. Accorde-nous ta grâce. Utupatie neema yako. Au nom de Jésus-Christ. Ni jina Yesu Kristo. Nous te prions. Tunakuomba hivi. Ainsi, amen. Amen. Si les techniciens peuvent augmenter un peu le volume de ma voix. Kama wafundi waweze kuongeza kwa sauti micro. Je n'ai pas une bonne voix depuis hier. Sauti yangu haina mzuri tangia jana. Mais suivez attentivement ce que le Seigneur a nous dit. Lakini mfuate na utaratibu ile Bwana Mungu anapenda kutuambia. Lutte au chapitre 1. Luta sura yake ya kwanza. Nous commençons au verset 11. Tanzia mstari ya 11 jusqu'au verset 18. Kufika na mstari wa 18. Naomi dit. Naomi akasema. Retournez mes filles. Murudi babinti yangu. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Jia nini mutakuya pamoja nami? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puisse devenir vos maris? Eti mutumbo yangu ni kwa motena na batoto bale banawezi kuwa bwana yenu. Retourne mes filles et allez. Murudi babinti yangu na muende. Je suis trop vieux pour me remarier. Mi inesha kuzeka siwezi tena kuolewa. Et quand je dirai. Na wakati nikisema. J'ai de l'espérance. Niko na matumaini. Quand cette nuit même je serai avec un mari. Hata kama hii usiku nitakuwa na bwana. Et que j'enfanterai des fils. Hata kama nitazala watoto. Attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi. Eti mutachunga bapate kukomea. Refuserez-vous pour cela de vous marier. Eti mutakatala juu ya ile bamiowe. Non, mes filles. Hapana babinti yangu. Car à cause de vous. Kwani juu yenu. Je suis dans une grande affliction. Niko katika uzuni mkubwa. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Ya vile mukono wa Mungu inanipika. Et élèverait la ta voix. Na wakapasa sauti. Elle élèverait la voix. Wakapasa sauti. Et pleurait encore. Na wakalia tena. Orpa baisa sa belle-mère. Orpa akambusu mamake mukwe. Mais Ruth s'attacha à elle. Alakini Luta akambatana naye. Naomi dit à Ruth. Naomi akamwambia Luta, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Tazama dada yako anarudia kutaifa yake na kumiungu zake. Retourne comme ta belle-sœur. Na wewe urudie sawa dada yako. Ruth répondit, Luta akamjibu, ne me presse pas de te laisser. Usinisonge ni kuache. De retourner loin de toi. Nishende mbari nawe. Où tu iras, j'irai. Kule utaenda, njo kule ntaenda. Où tu demeureras, je demeurerai. Kule utaka, njo kule ntaka. Ton peuple sera mon peuple. Taifa yako itakuwa taifa yangu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Où tu mourras, je mourrai. Kule utafia, na mimi njo kule ntafia. Et je serai enterré. Na mimi ntazikwa. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Yehova anitende katika ukali wake. Si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Kama isipokuwa paka lufu kitu kingine akiweze kunitenga na wewe. Naomi, la voyant décider à la Naomi voyant décider à aller avec elle. Naomi vile alimuona anachukua mipango ya kwenda naye. Cessa d'insister auprès d'elle. Akaacha kumukazisha. Que Dieu ajoute la bénédiction avec toute sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kumsomi wa neno lake. Ces deux jours qui sont derrière nous, hii masiku mbili inapita, nous avons parlé d'Abimelech. Tulisema kuhusu Abimeleki. Nous avons parlé d'Orpa. Tulisema kuhusu Orpa. Nous avons montré que Dieu du ciel dans sa souveraineté avait donné la Palestine aux enfants d'Israël. Mutawalo yake alipatia Palestine kwa watoto ya Israeli comme leur propre propriété. Sawa inchi yabo mwenyewe. Et pour qu'un enfant d'Abraham expérimente la bénédiction de l'Éternel. Na juu ya mtoto wa Ibrahimu apate kuonja baraka ya Yehova. Il devait demeurer en Palestine. Alipashi kuendelea kuikala muinchi ya Palestina. Mais au temps des juges. Na lakini mwakati ya waamuzi. Les enfants d'Abraham après la sortie de l'Égypte s'étaient compromis. Batoto ya Israeli kisha bo kutoka mu Misri bali tenda mbaya bali kosa. Les enfants d'Abraham. Batoto ba Ibrahimu. Après leur sortie de l'Égypte. Kisha bo kutoka mu Misri. C'était compromis. Bali mukosea Mungu. Ils avaient péché contre Dieu. Bali mutendea Mungu zambi. Et Dieu pour les châtier. Dieu a Mungu kubapiza. Il envoya la famine dans ce pays. Aliwatumia njala mu ile nchi. Elimelech n'a pas pu supporter le châtiment de Dieu. Elimeleki asikuvumilie mapiko ya Mungu. Il a commis une grosse erreur que nous avons, sur laquelle nous avons beaucoup insisté. Alitenda kosa mkubwa yule aliyetuweka mkazo. Que nous ne voulons pas qu'un frère qui ne se la fasse. Il a tupende nduko hata moya wala dada moya aitende. Il a regardé chez les Moabites. Aliangalia kwa Moabu. Ses enfants illégitimes sous la malédiction. Wale watoto wanaramu chini ya laana. Qui étaient devenus idolâtres alors qu'ils étaient censés adorer les dieux d'Israël. Wale wanakuwa babudu wa sanamu pale hapo kuabudu Mungu wa Israeli. Il a vu la bénédiction et le pain qui était de l'autre côté. Aliona baraka na mkate ile ilikuwa ile ngambo yabo. Il prit la décision. Akachukua mpango. D'amener toute sa famille ya kupeleka jamaa yake yote dans le pays de Moab. Muinchi ya Moabu. C'est vrai. Mbia kweli. Cette chose-là. Ile mambo ile. N'avait pas arrangé le cœur de Dieu. Aikumufurahishe Mungu. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté. Je kwamana turuweka sana mukazo. Pour dire à chacun de nous. Ya kuambia kila mmoja wetu. Peu importe les difficultés. Aizuru magumu. Par lesquels nous pouvons traverser. Mule tunaweza kupitia. La souffrance, la maladie, mateso, le manquement. Magonja, ukosefu. Les afflictions mateso, que nous pouvons éprouver. Ile tunaweza kupata. Restons avec la parole de Dieu. Tubaki e paka na neno la Mungu. Restons avec Christ. Na tubaki e na Kristo. Supportons les châtiments de Dieu. Tuvumirie mapiko ya Mungu. Peu importe la faute que nous avons commise. Aizuru kosa ile tulitenda. À un moment donné, muda mwa fulani, le Seigneur aura pitié de nous. Bwana Mungu atatushikiria buluma. Et la bénédiction nous retournera. Na baraka itaturudiria. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous avons montré que la faute de Orpa, cette église mondaine, type d'un véritable croyant formaliste, un croyant tiède, un homme entièrement charnel, c'est-à-dire Orpa est le type d'un chrétien charnel qui avait la vision des choses charnelles en toutes choses, type d'un chrétien sans révélation, type d'un chrétien qui ne comprend rien dans sa foi, qui n'a aucun objectif et qui n'a aucune détermination. Nous avons vu qu'il a commencé à sortir, mais il s'est arrêté parce que sa belle-mère l'a fait résonner comme un homme, comme elle aimait tellement le mariage. Dans son cœur, elle n'avait pas l'amour de Dieu d'Israël. Elle n'aimait pas la sévérité de la loi d'Israël. Parce qu'elle savait qu'Israël est un peuple particulier. Il y a un Dieu particulier. Il y a des lois particulières. Israël est un peuple qui a un comportement particulier. C'était difficile pour elle. Elle n'aimait pas la sévérité. Elle n'aimait pas la discipline de Dieu. Et quand l'exhortation est venue de sa belle-mère, comme l'amour de Dieu n'était pas en elle, elle est retournée. Elle est retournée vers ses pères. Elle est retournée vers son peuple. Et nous avons dit hier qu'elle a commis une faute très grave. Après avoir commencé la marche, elle s'est arrêtée. Elle est retournée dans son pays. Et cette chose qu'elle a commise lui a coûté même l'effacement de son nom dans le cœur de Dieu. Et le nom de Orpa n'a jamais été encore cité dans la Bible. Une chose que nous ne devons pas faire, c'est comme nous l'avons montré hier, quand tu commences la marche avec Dieu, après avoir entendu la parole, vous croyez, tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus, tu commences le voyage, ne retournez jamais, n'abandonnez jamais Christ, ne retournez jamais dans le monde. Vous commettez un acte abominable et vous commettrez un acte insensé. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je pense que tout le monde a bien compris. Na wazia mtu wote alielewa mzuri. Aujourd'hui, on va parler de la décision de rite. Leo tutatembea kuhusu mpango ya luta. On va avancer. Kama tumalize tutasonga mbele. On va continuer. Tutaendelea. Je veux que vous remarquiez quelque chose. Mimi napenda mtazame ko kitu kimoja. Quand Naomi Wakati Naomi était avec Ruth et Orpa, alikuwa pamoja na Luta na Orpa, en parlant à ces deux belles filles, wakati alikuwa nasema na baba koyake bawili banamuki, pour les décourager. Dia kubalekesha. Elle avait beaucoup insisté aliweka sana mukazo sur le mariage. Yulu ya ndoa. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mishwe kama muriona. Lorsque nous avons lu wakati le tulisoma le verset 11 mstari ya 11 jusqu'au verset 13 kufika na mstari ya 13. Naomi a beaucoup insisté sur le mariage. Naomi aliweka mkazo sana yule ya ndoa. Quand il dit à ses belles filles, retournez. Wakati anambia baba ko yake, murudie. Vous n'avez aucun intérêt de venir avec moi. Amuna na faida ya kunifuata. Parce que je n'ai pas de sein. Jumishi na tena na tumbo. Qui je n'ai pas encore de sein, je n'ai pas encore la possibilité d'avoir des enfants qui deviendront vos maris. C'est ça la première parole. Il reprend, il dit, elle reprend, il dit, retournez mes filles, je suis déjà trop vieille pour me remarier. Pourquoi? Et c'est parce qu'en Israël, il y avait une loi murikuwa sheria moya qui disait ilikuwa nasema que lorsque un frère mourra wakati ndugu akikufa sans laisser un enfant bila kuacha mtoto son frère ndugu yake prendra la veuve atachukua le muyani par le droit de beau frère kupitia ile sheria ya semeki yake. Alors ils ont un enfant batazala naye mtoto et cet enfant là ule mtoto ule portera le nom du défunt atabeba jina ya ule alikufa pour que le nom du ne soit jamais oublié et effacé en Israël. Donc il fallait à tout prix que Naomi ait un autre enfant. Naomi a quoi mtoto mwingine? Il le prendrait en mariage pour accomplir cette loi-là. Elle était consciente de cela. C'est pourquoi dans la vérité elle leur dit. Jokomana katika ukweli alibambia. Venir avec moi unifuata mie dans le pays d'Israël kwenda nami muinchi ya Israeli n'est pas avantageux pour vous. Aina ya mafaa kwenu. Je dois vous dire la vérité. Pas ni ukweli. Vous êtes encore de belles jeunes femmes. Mungariki babia na babinti. Vous n'avez pas encore d'enfants. Amuyazala batoto. Vos maris vous ont laissé veuves. Jeunes sans enfants. Vous êtes jolies. Vous ne devez pas désespérer. Amwezi ukata tumaini. Chez nous, en Israël, il y a des lois compliquées. Masheria ya nguvu. Vous deviez vous appuyer sur moi si j'étais jeune. Kama ningekuwa kijana. Parce qu'à ce moment, je dirais, allons ensemble, j'aurai des enfants tazala watoto, et qui vont vous remarier. Na, watamio, mais moi-même, regardez mon âge. Tazameni kimo yangu. Je suis déjà ménopausé. Moi-même, je n'espère plus rien. Je ne peux pas vous conseiller de me suivre. Écoutez-moi, mes belles-filles. Retournez. Quand vous êtes jeunes, le Seigneur vous donnera l'occasion de vous remarier. Et je vous souhaite un mariage heureux dans lequel vous trouverez la paix. Mule mutapata salama. Et je prierai pour vous na, pour que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu soit bon envers vous. Mungu apate kuwa mwema mbele yenu. Frère et sœur, nduku na dada, Orpa et Ruth, Orpa na Luta, n'étaient pas de mauvaises femmes. Abakwe ba bibi ba baya pana. J'aime que vous reteniez aussi cela. Mina penda muishike. Oh, Orpa et Ruth Orpa na Luta étaient des jolies femmes et des bonnes femmes de cœur, des femmes de caractère. Quand ils ont vécu avec leur chérie, elles les aimaient et elles traitaient correctement leur belle-mère. Même après la mort de leur chérie, elles n'ont pas maltraité leur belle-mère. Elles ont continué à l'aimer, à la considérer, à la traiter correctement. Orpa n'était pas comme les sœurs incrédules, démons, que nous avons aujourd'hui. Elle, dans sa maison, c'est seulement les gens de sa famille qui sont princes dans sa maison. Bakoyake, ce sont des démons. Celle-là pour qui doit faire de bonnes choses, ce sont les belles familles. Ce sont des sorciers. Non, frère. Papa Nanduku. Et pourtant, ce sont des païens. Peut-être vous ne l'avez pas remarqué. C'est pourquoi le Saint-Esprit soulève cela. Dans le verset 8, Naomi dit alors à ses deux belles-filles, Naomi, Akasema, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Naomi akasema na bako yake, mwendeni kila mmoja ende munyumba ya mama yake. Que l'Éternel use de bonté envers vous, wa milena amifashie neema, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, vile mulifashia bale barikufa, et envers moi, na mbele yangu. Vous voyez, munaona, quel bon témoignage. Ushuda kani mzuri. C'est vrai, frère. C'est pourquoi Naomi, voyant cela, il a dit toute la vérité. Frère, la vérité réjouit le cœur de tout homme honnête. Un véritable chrétien aime entendre les choses vraies. La vérité vous donne une bonne position. Vous donne l'occasion de prendre une bonne position. Mtu wa kupenda kushikia maflaterie. Ni shetani. Kama wewe uko nafurahiwa paka mahubiri ya teketeke ya kukubembelesha. Tu es faux. Wa bongo. Tu es faux dans ton cœur. Hauna wa kunyoloka moyo wako. On doit parler selon la vérité. On n'a pas ce qu'on Dieu lui-même est la vérité. Dieu mungu ya mwenyewe ni ukweli. Frère, Nduku. Il a dit la vérité. Alisema ukweli. Il n'y a rien de mensonge. Amuna bia bongo. Il n'y a pas de flatterie. Amuna bia kubembeleza. Il n'y a pas d'hypocrisie. Amuna bunafiki. Naomi parlait selon la profondeur de son cœur. Alikuwa anasema kufuatana na upana wa moyo wake. Oui bien aimé frère. Dieu nduku mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dieu dada mpendwa. Il dit. Na akasema. Même si j'ai de l'espoir. Hata kama niko na tumaini. Vous voyez, munaona, ce n'est pas quand je serai directement je serai en Israël et directement j'aurai un mari et automatiquement j'aurai un enfant. Non, fallait pas attendre que cet enfant là grandisse pour comprendre. Non, retournez mes filles. C'est vrai. Comme Orpa. Ça va vivre Orpa. Avait une vision charnelle des choses. Alikuwa anakuona kwa vitu mkimwili. Et qu'il visait le mariage. Na alikuwa anatafutisha ndoa. Il est rentré. Alirudia. Mais Ruth, alakini Luta n'allait pas pour le mariage. Luta asikuwa naenda juu ya ndoa hapana. Non. Hapana. Ruth avait un autre objectif. Luta alikuwa ni kitumizio kingine. Ruth allait avec sa belle-mère. Luta alikuwa naenda na mama yake mkwe. Pour adorer le véritable Dieu d'Israël. Dia kuabudu Mungu wa kweli wa Israeli. C'était l'objectif fondamental de son départ en Israël. Il est enjoy kwa kifuguzio ya msingi ya luta kwenda mu Israeli. Comment as-tu pris cette décision? Namna kani huyu luta aussi grave ya munene sana d'aller dans un pays ya kwenda mu inchi où il n'a jamais été. Mule ashia endaka. Un pays mu inchi où il n'avait ni père, mama, ni mère, wala mama, ni frère, wala nduku, ni soeur, wala dada, ni oncle, wala muyomba, ni tante, wala sangaji. Un pays Mouinchi, entièrement méconnu kabisa, il est par Ruth. Il est luta, si kujue. C'est vrai, frère. Nikweli, nduku. Qu'est-ce qui avait excité, qui avait poussé Ruth à prendre cette décision pour aller avec sa belle-mère? Juu akwenda pamoja na mamake mkwe. Pendant qu'il vivait dans le pays de Moab, il vivait très bien. Wakati ile alikuwa naishi mwinchi ya Moab, mfate mzuri. Ruth avait déjà entendu. Luta alikuwa anesha sikia. Plusieurs témoignages. Maushuda ya mingi. Sur le Dieu d'Israël. Yulu ya Mungu wa Israeli. Ruth avait déjà entendu. Luta alikuwa anesha sikia. Les merveilles. Maajabu. Du Dieu d'Israël. Ya Mungu wa Israeli. Déjà Moab, Mule mu Moab, Ruth entendait que le Dieu d'Israël n'était pas comme le Dieu des nations. Il était un Dieu particulier. Alikuwa ni Mungu wa upeke. Un Dieu réel, Mungu wa kweli, un Dieu vivant, Mungu mzima, un merveilleux Dieu, na Mungu wa damani. Un Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Déjà Moab. Mule mu Moab mule. Il connaissait. Alijua. Ce que Dieu avait fait. Kile Mungu alifanyaka. Avec le peuple d'Israël. Na taifa ya Israël. Toutes les nations. Mataifa yote. Les racontaient. Ilikuwa na yadisia. Comment Dieu. Namna kani Mungu. Est allé en Égypte. Alienda au Misri. Sous Pharaon. Mutawala ya Pharaoni. Le roi le plus puissant de la terre. Mfalme wa uwezo sana. Qui avait une armée la plus puissante. Alikuwa na jeshi mkubwa sana. Dieu est allé. Il a sorti ce peuple, il se part à la mer Rouge, et dans le désert, il est nourri de la manne. Ruth avait déjà écouté ça. Même ses propres pères, ses propres parents, l'avant-cambo yake ya Ruth, il racontait et disait, d'ailleurs, le Dieu d'Israël était le Dieu de notre grand-père Lot. Nous nous sommes censés être les croyants de Jéhovah. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. Christ avait déjà entendu. Luther, comment Jéhovah avait sauvé Ariokolaka, Lot, leur grand-père. Lota Kamboyabo. Vous voyez, du jugement. Kutoka ukumu. Quand il détruisait Sodome. Wakati alikuwa anaharibu Sodoma. Ruth savait. Luta alijua. Passé par les témoignages. Que ce Dieu là est terrible. Il n'aime pas le péché. C'est un Dieu saint. Asipende zari. Et Sodome fut brûlé. Sodome et Gomorrhe furent brûlés. Sodome na Gomorrhe ilungushwa. C'était à cause du péché. Ilikuwa ni kwa ajili ya dhambi. Mais notre père Lot. Lakini baba yetu Lota. Et a été sauvé. Aliokolewa. Et il encaissait cela dans son cœur. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ni kweli dada. Pas seulement ça. Aina paka ile tu. Après qu'elle soit épousée, kisha kuolewa, son mari bwana yake nous a conté. Alikuwa anamhadithia. Frère. Dans un bon couple, ndoa mzuri. Mukila ndoa ya mzuri. Dans chaque bon couple, Quand dans un couple il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a l'amour, il n'y a pas de problème. L'homme et la femme peuvent se mettre ensemble, parler des choses pour fortifier les foies de l'amour. Voyez, pendant qu'ils vivaient ensemble, le mari de Ruth lui racontait ce que notre Dieu, qui n'est pas comme les Dieu, comme les dieux que vous adorez ici. Ici, à Moab. Il lui donnait des histoires. Il lui parlait de la puissance de Jéhovah. De tout ce que Dieu fait pour Israël. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Vous savez. La Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. Même les beaux parents de Ruth racontaient à leur belle fille l'histoire de Jéhovah. La puissance de Jéhovah. Frère, Ruth et Orpah étaient des femmes païennes, des idolâtres. C'est vrai, frère. Elle ne connaissait pas Dieu. Vous voyez, mes frères. Mais dans la profondeur du cœur de Ruth, qui avait vécu longtemps dans l'idolâtrie, dans son cœur, à cause des témoignages vrais qu'il entendait sur les dieux d'Israël, ces témoignages avaient suscité en lui la foi. C'est vrai, frère. Elle voulait aussi aller dans ce pays où habitent les dieux vivants, les dieux des miracles, les tout puissants. C'est vrai. C'est Dieu qui ne supporte pas le péché. Quand il regardait les Moabites, des pécheurs, des idolâtres, on les a tellement racontés l'histoire de leur Dieu. Ruth comprenait que tous les dieux de Moab n'étaient que des idoles et des dieux imaginaires, des faux dieux qui ne pouvaient rien faire pour lui. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Ils ont vécu longtemps. Vous voyez ensemble avec leur mari. Mais il n'y avait rien. Parce que son mari lui disait, les beaux-parents disaient, les dieux d'Israël, ils changent le cœur des gens. Ils ressuscitent des morts. Ils font des miracles. Cela suscitait la foi. C'est ce qui a suscité la foi. Il a mouché l'imani dans la lutte. Ruth était fatiguée du formalisme, était fatiguée de l'adoration des dieux imaginaires, elle était fatiguée du péché qu'il voyait parmi son peuple. Elle était fatiguée. Ruth avait faim. Arikwananja. Et soif du Dieu vivant d'Israël. Le Dieu véritable. C'est vrai, frère. Et sans fatiguer de ce Dieu imaginaire. C'est vrai, frère. De cette vie de mensonge. Une vie formaliste. C'est ça un élu. L'Église est avec moi. C'est ça un élu. C'est même l'objectif de ce message. Frère, nous étions chez les catholiques, dans les groupes de prière, chez les nzambe malamu, dans les églises évangéliques. Frère, ils ont tellement parlé du Dieu de la Bible à un tel point que leur enseignement ne nous a jamais aidés à être sauvés. Leurs enseignements ne nous ont jamais permis de faire une expérience véritable avec le véritable Dieu. Les enseignements que nous avons reçus dans les dénominations ne nous ont pas aidés à changer notre vie. Nous étions dans les chorales, prédicateurs, anciens, voyez, membres laïcs, toujours menteurs, voleurs, adultères. Et nous, sans Dieu, mais des formalistes. On chantait comme des anges, mais on vivait comme des démons. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Tout homme qui a été dans une dénomination, c'est bien de mes frères. Parce qu'il n'avait pas moyen de faire des expériences véritables. Mais dans notre cœur, nous en tant qu'élus, on avait soif et faim du véritable Dieu vivant, capable de nous sauver et de transformer notre vie. C'est vrai, frère, quand nous avons entendu ce message, malgré sa dureté, sa sévérité, nous avons dit, c'est ça la parole. La profondeur appelle la profondeur. C'est vrai, frère. Kamandani ya roho yako a una na kiu ya Mungu mzima ndani ya nafsi yako a una muteule. Vous n'avez pas compris. Si dans ton cœur, tu n'as pas soif, tu n'as pas faim, Dieu véritable, tu peux te sauver, tu peux te transformer de mauvaise vie, tu n'es pas un élu. Kama ndani ya roho yako au yaonaka bubaya mumafundisho na mumaisha mazebu na bantu wa mazebu au yaonaka bubaya au ya tukizwaka au ya tukizwaka na mafundisho ya mazebu na maisha mazebu na mapratika mazebu frere hauna mteule. Frere, tu n'es pas un élu. Les dénominations, c'est la religion mêlée au paganisme. Il y a une promotion. Ceux qui ont fait des promotions. Il y a un fumu. Il y a ma boulange. Des devins, des sorcelleries. Il y a ma dénomination. Ce sont des dénominationnels. Pourquoi? Ce sont des églises hybrides. Ni makanisa ya muchango ya kuchanga bitu. Des églises dénominationnelles makanisa kizebu entièrement contrôlées par Satan. La dénomination est du diable. C'est le diable qui embrouille les dénominationnels en hybridant la parole de Dieu, la Bible et les pensées d'hommes pour que les gens ne soient pas sauvés. C'est ça, Moab. Joe Moab. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. Mais, lutte. Après avoir entendu tous ces témoignages, son cœur brûlé. Mais quand il vivait avec son mari, il s'est dit dans son cœur. Si ni fate kovati na nini kakanyangeko abaya kufakulu abaya kufakwangu atashi kumoya muisha Israel mule ambao muko Mungu wa kweli mule ambao muko banaume na banamuke wa kweli mule muko ambao sheria ya kweli muko mafundisho ya kweli. Elle avait soif de ça. C'est vrai, frère. Elle prie pour cela. Chikukani. Quel est ce jour-là? Voyez-le, frère. Et même dans son cœur, elle pouvait se dire, Chikwana Yangu, anniversaire, je ne veux pas se battre en Israël. Mais elle n'avait pas cette occasion-là. Jusqu'à l'amour de son mari. Mais quand elle a eu cette occasion de Naomi, qui retourne dans le pays de la promesse, dans le pays où habitait le véritable Dieu vivant, dans le pays où il y a des hommes et des femmes sincères, dans le pays où régnait la discipline de la loi, dans le pays où les gens menaient une vie sainte, ils craignaient les dieux. Elle a dit, j'irai avec toi. Les exhortations de sa maman n'avaient pas d'effet en elle. Non. Père, ma chère, na dada, quand un homme est décidé d'aller avec Christ, rien au monde ne peut le décourager. Dunia, hakuna kitu kia kumulekesha. Il n'y a ni souffrance. Hakuna ata mateso. Il n'y a ni exhortation. Hakuna ata masubutisho. Il n'y a ni maladie. Hakuna ata magonjwa. Il n'y a ni moquerie. Hakuna ata kumchukulea. Qui peut décourager un homme qui est assoiffé du véritable Dieu vivant? Ya Mungu wa kweli. Ça n'existe pas. Aina ako. C'est vrai. Ni kweli. Pitch. Luta. Rien ne pouvait la décourager. C'est pourquoi elle s'est décidée. Parce que dans son cœur, elle allait pour Dieu. Non pas pour le mariage. Il est exhortation sur le mariage. Ce n'est pas le problème des rites. Aïkwe mambo yake. Cela n'était pas sa préoccupation. Il dit si or pas ma belle sœur est rentrée pour aller te épouser. Moi j'ai choisi d'aller avec toi pour adorer ton Dieu. C'est pourquoi il dit j'irai avec toi que rien ne me sépare de toi en dehors de la mort. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, moi aussi je mourrai. Voilà une femme qui a décidé. Voilà une femme qui comprenait ce qu'il faisait. C'est vrai. Christ Luta reçut une vision. Il comprit qu'il n'y a rien d'impossible au Dieu d'Israël. Voyez-vous, mes frères. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il avait séparé la mer rouge. Moi, Luta. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ni le je ne vaux rien. Voyez-vous, mes frères. Oui, bien, non, j'y vais, non pas pour le mariage, mais j'y vais pour le salut de mon âme. Les choses matérielles ne m'intéressent pas. Oui, bien, mes frères. Je ne veux pas pour être en charge de ma belle-mère. Parce que leur belle-mère leur avait dit, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Comme je le disais autrefois, la vie de veuve, vous voyez, la vie de veuve est toujours dure. Dans la tradition parole de vie, il est dit ceci, non mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. Vous voyez bien, mes frères. Eric n'allait pas na luta pour qu'elle soit en charge mubebe, mbuzito, dans la charge de Naomi. Mbuzito, Naomi c'est pas ça son problème. Pourquoi bien mes frères? Pourquoi bien mes sœurs? Elle est allée comme nous le verrons plus tard. Alienda, tout non, tout pas, non pas apana, pour être sous charge de Naomi. Non bien mes frères. Apana. Non bien aimé sœur. Apana dada mpeni. Et vous verrez quand elle est entrée. Mutaona wakati alifika. Elle n'était pas capricieuse. Ashikuwa wa mafieri fieri. Bien aimé frère. Mutaona nduku mpeni. Elle a dû travailler comme nous verrons plus tard. Alitumika paka vile tutaona baadaye. Pas de gens. Apana de manchu, faux frères. Banduku babongo. Et de fausses sœurs. Qui croient seulement pour être aidés. Juba basaidi. Kama kanisa imusaidi. Anaacha mambo ya Mungu. Il abandonne la foi. Juu yake. À cause de lui. Kama makanisa inampa makuta, inampatia biakuria, inampatia mavazi, beko na Mungu, la, ni mapenzi. Son Dieu, c'est l'amour. Buwelewele kani. Quelle sottise. Ole awe mwenye kutumika na mikono yako. Ole de travailler avec tes mains. Juu ya ku satisfaire ma besoin yako. Afin de satisfaire ma besoin. Il attend seulement que l'église t'aide. Kanisa ikusaidie. Vous êtes un fainéant. Huku muzaifu muvivu. Oui, bien, mes frères, je ne suis pas le Kanisa parce que je vois qu'il n'y a pas d'amour. J'étais malade, je ne pas venu, mais je n'ai même pas donné un père. Pourquoi tu es le Kanisa? Tu es un homme qui est tout le temps suivi dans la parole. Tu es Orpa. Tu es Orpa. Orpa. Qui n'avait que la vision des choses charnelles. Oui, on a mis rien que pour les choses charnelles. Quand on va nous tembler, là c'est grave. Je visite seulement entre eux. Je n'ai pas venu. Je vous dis que je suis à Mouili. Je suis à Mouili. Je suis à Mouili. Je suis à Si la parole de Dieu qui vous est apportée est la vérité, capable de vous conduire à Christ, restez là. Que vous ayez quelqu'un pour vous aider ou que vous n'ayez pas quelqu'un pour vous aider, cela n'a pas de problème. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Le Dieu du ciel s'occupera de toi. Premièrement, le royaume du ciel. Et le reste après. Oui, bien aimé, frère. Oui, bien aimé, soeur. Ruth n'avait pas cette visée. C'est chose charnelle. Non, bien aimé, frère. Non, bien aimé, soeur. Il a pris la décision d'aller pour Dieu. Pour expérimenter le véritable Dieu. Pour expérimenter la réalité de ce Dieu qu'elle avait tant entendu. Oui, bien aimé frère. C'est ça le problème avec les membres de notre église. Ba frère, ba mingi, abana na njala ya kuonja Mungu wa kweli ndani ya maisha yabo. Frère Bamingi, avant la njala, yaoule mungu la badirishaka, maisha ya bantu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi la plupart des frères, la plupart des soeurs sont superficiels. Ils ne comprennent absolument rien. Oui, bien aimé frère. Kuendelea mambo ya Mungu. Kuendelea muneno la Mungu. Ina dépendre de l'objectif ulikuia kuneno la Mungu. Na ina dépendre na ufunuo huko na pata wakati neno la Mungu iko na ubiriu. Si tu n'as pas de révélation, quand vous écoutez la parole, vous ne verrez rien. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Vous ferez l'acte. Vous ferez l'acte de Orpa. Tu vas retourner dans le monde. Oui, bien, mes frères. Un chrétien, une chrétienne, n'est pas capricieuse. Un chrétien n'est pas capricieux. Une chrétienne n'est pas capricieuse. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit dorloter à tout moment. Tu n'as pas suivi quelqu'un. Comment on lui fouette à Mungu? Tu l'avais suivi. Ula Mungu unifuate. Anapaka kujiokipe na mambo yako. Jisokipera de toi. Aina mambo ya paste. Aina mambo ya wadiake. Aina mambo ya dada fulani. Aina mambo ya fule fulani. Ni mambo ya Mungu ule unifuate. Ki doit s'occuper de toi. Que tu as suivi njua takwangaikia. Si tu crois c'est un Dieu de miracle, si tu crois qu'il est un Dieu de miracle, il fasse des miracles dans votre vie. Si tu crois qu'il est un Dieu de vie, il donne la vie éternelle. Que ce Dieu-là vous donne la vie éternelle. Si tu crois que c'est un Dieu saint, que ce Dieu saint-là vous sanctifie. Ça dépend de ce que vous voyez et ce que vous visez. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. On n'a pas encore parlé de la séparation. On a seulement introduit la décision. Vous voyez bien, mes frères. La foi vient de ce qu'on entend. Comment ça aussi qu'on a obéiwa? Aïe, coupe imani. On a mouté ou c'est vrai, frère. Kama sauti ya Mungu. Wakati kuna ubiriwa. Aikupe imani. Aizalishe ndani yako imani. Auna muteule. Wakati sauti ya Mungu na ubiriwa. Auyelewe mzuri. Uko na confusion. Ukuelewa kwako. Auna muteule. Frère. Un élu entend deux fois. C'est vrai, frère. Le Saint-Esprit est là. Tu as confondu la machine à ce qui est mal à Biri. Aïna Mambo Yarit. Aïna Mambo Yorpa. Aïna Mambo Yamé. Tu connais ce mot. Ni Mambo Yako. Ni Mambo Yam. Ceci me concerne. Quand on mange Yarit. Alors tu n'es pas un élu. Lève-nous pour la prière. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Vite. Luta a entendu le témoignage. Ce témoignage qu'il avait entendu. Si le véritable Dieu vivant avait suscité en lui. Il zarisse en dani yake. La soif, la faim du véritable Dieu. Il voulait l'expérimenter. Il voulait goûter ce Dieu. Frère, les élus de Dieu. Amu yabo yote. Toutes leurs soifs. Ni kuya na maonjo. Na avec les la vie d'un élu est fondée sur les expériences. Les expériences surnaturelles. Pas des expériences imaginaires. C'est vrai. C'est vrai, ma soeur. Un élu entend. Muteule qu'on a sigilise. Quand il entend la vérité. Wakati anasigiliza ukweli. La vérité. Ukweli. Quand la vérité tombe dans un cœur sincère, il y a une explosion. C'est vrai, frère. Prions. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Qui est